Plus qu'un soulèvement, une vraie guerre de libération. Raphaël Lewandowski, Rafik Zénine. Le 1er novembre 1954, un tract accompagne les attaques commises contre les autorités coloniales françaises et leurs représentants sur l'ensemble du territoire algérien. Signé par le Front de Libération Nationale, ce tract appelle le peuple algérien à reconquérir sa liberté au prix de son sang. Organise ton action auprès des forces de libération à qui tu dois porter aide, secours et protection, peut-on y lire. Dieu est avec les combattants des justes causes et 1000 forces ne peuvent les arrêter désormais, hormis la mort glorieuse ou la libération nationale. Une fois, les maquisards, à côté de chez nous dans le Douar, ils nous ont fait une réunion la nuit. Ils nous ont expliqué la lutte pour l'indépendance, etc. Ils ont expliqué comment ça fonctionne dans les maquis. On n'a pas de char, on n'a pas d'avion. Ils nous ont expliqué que des hommes comme vous, comme nous, qui sont en train de combattre. Le FLN est alors une organisation politique et armée clandestine méconnue en Algérie. Mais au fil des mois, ces combattants, qui sont qualifiés de terroristes ou de fellaga par les Français, se font connaître et ils gagnent en popularité auprès des civils algériens. Rapidement, de plus en plus d'adolescents décident de monter au maquis pour se joindre à eux. Abdellah Bouraoui, né en 1936. Ils allaient et venaient pour étudier le terrain. Zirout Youssef, paix à son âme, quand il venait, il me serrait dans ses bras, il m'embrassait. Il me disait que j'étais courageux et tout. Je lui ai dit, je veux monter au maquis. Il m'a dit, tu ne peux pas, tu es trop jeune. Je lui ai dit, si Ahmed, je veux monter au maquis. Il y avait 3 fusils contre le mur. On était dans une maison, la maison de Zarmania. 3 fusils. Il m'a demandé si je savais tirer. Je lui ai dit, oui, bien sûr que je sais. Il a pris un fusil et me l'a donné. Il m'a dit, montre-moi comment. J'ai pris le fusil, je l'ai chargé et tout. Il m'a pris le fusil de sa main gauche et m'a dit, tiens, tu es Moudjahid. C'était le 1er mai 1955. Mouloud Larèche, né en 1934. J'avais des livres qu'on lisait à l'époque. Les matières sur lesquelles nous étions évalués, c'était le Coran, la dictée, la grammaire, la vie du prophète, le rite malikite, etc. Monsieur Ahmed Zirout m'a appelé. On le surnommait Sidi Ahmed. Il m'a demandé, ce sont tes livres ? Et il m'a demandé où j'étudiais. Je lui ai répondu, à quel endroit ? Je me souviens très bien. Il avait un livre dans la main. Et il s'est retourné vers mon père et il lui a dit, oncle Ali, je vais te prendre ton fils. Mon père lui a répondu, si c'est la volonté d'Allah. Alors Monsieur Zirout m'a dit, prépare-toi. Tu pars avec nous, aujourd'hui. Je lui ai répondu, je suis prêt. Je n'ai rien à préparer, je ne possède rien. Il est parti vers un gars qui avait un fusil, il le lui a enlevé et il m'a donné le fusil. Avant de partir, j'ai présenté mes adieux à la famille. Djoudi Atoumi, né en 1938. Ma mère, ma grand-mère, mes oncles, etc. Mon grand-père, et puis mon grand-père qui m'accompagne à l'extérieur de la maison. Il m'appelle, il m'a dit, Jody, tu vas au maquis ? Je lui ai dit, oui, mon grand-père, oui, je pars de ce pas au maquis. Il m'a dit, alors, ne te fais pas prendre. Je ne veux pas te voir ramener au village au bout d'une corde comme un agneau. Meurs en homme. Ahmed Delgaz. Voilà ce que les paroles d'un grand-père, pour son petit-fils, qui va vers la mort. J'avais 17 ans et quelques mois. Et j'étais aisé. On avait un commerce, on avait une voiture, on avait un vélo, on avait... On n'était pas... Ali Agouni, né à Rouiba, en 1938. Et j'étais le fils unique. J'ai pas pensé ni à mes sœurs, ni à ma mère. Je me rappelle ce jour-là que j'allais prendre le maquis, ma mère était en train de préparer à manger. Comme je devrais partir avant la soupe, j'ai essayé de lui dire de me donner un morceau de poulet. Eh bien, c'est ça qu'elle a fait. Elle m'a donné un morceau de poulet. Elle m'a dit, pourquoi tu n'y attends pas ? J'ai pas voulu lui dire que je suis pressé, je vais au maquis, j'ai des gens qui m'attendent. Parce qu'on peut pas dire aux parents qu'on va au maquis, la première des choses, ils refusent. On prend rien du tout. C'est quelqu'un qui vous accompagne et vous amène chez les gens en dehors de la ville. Mohamed Kaznadji, né à Sétif en 1939. Au maquis ou dans un village isolé, comme ça, et prend contact avec les maquisards et on y va. Et ça part comme ça. On vous donne une tenue militaire et on commence par un fusil de chasse. Ensuite, on m'a donné une MAT 49, une arme française. Une mitraillette un petit peu courte comme ça, une arme automatique. C'est ton nom maintenant, c'est-à-dire une mégère. J'ai pleuré. Parce que j'étais obligée de le garder, c'est-à-dire c'était mon nom de guerre. Rachida Miri, née à Oujda en 1937. Parce que Boussouf, il nous a dit, vous oubliez votre nom, votre prénom, votre lieu de naissance, votre famille, tout, vous êtes une Algérienne, une combattante, c'est tout. Et c'était Boussouf qui nous donnait le cours théorique, c'est-à-dire l'histoire d'abord, les partis, les différents partis, le MTLD, etc., etc., jusqu'au FLN, et les différents LOS, tous ces renseignements-là. Donc, il nous a un petit peu initié justement à l'histoire de l'Algérie que l'on ne connaissait pas. Quelques jours après, on nous a donné des tenues militaires. Ils ont apporté des ballots, et nous les ont jetés. Débrouillez-vous, alors on commence. Et moi, j'étais aux toilettes. Alors, tout le monde, ils se sont arrachés, donc les meilleurs. J'arrive, je me suis retrouvée avec un pantalon qui était large comme ça. J'étais obligée de le porter avec grosse ceinture pour pouvoir être en tenue militaire comme tout le monde. Ils se sont moqués de moi, mais je m'en foutais de toutes les façons. Quelques jours après, on allait donc faire de l'entraînement militaire. Les armements, les tirs, etc. On nous présentait des armes et ils nous disent, voilà, de la démonter, vous avez, par exemple, chronométré, hein, combien de temps vous la démontez et vous la remontez. Et après, vous savez, quand on le faisait très très vite, on nous fermait les yeux. Alors, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, les yeux fermés et on chargeait. C'est-à-dire, on mettait la balle dans le chargeur. Et je ne me jette pas des fleurs, j'étais la première. J'étais la plus rapide. D'ailleurs, Boumediene, il était vraiment ébahi devant mon dynamisme et ma rapidité. L'armement, c'était un armement hétéroclite. On avait des fusils de chasse, on avait des pistolets, on avait des grenades lacrymogènes. Et il n'y avait pas d'armes automatiques, mais surtout des vieilles armes. Les mitraillettes anglaises Sten, des fusils Stati italiens, dont les cartouches étaient mouillées. Il y avait quelques MAT 49, quelques fusils français qui provenaient du trafic d'armes avant l'indépendance, avant la guerre de libération. Et puis, il y avait surtout des déserteurs, des appelés algériens qui ont déserté, qui ont rejoint les maquis, qui ont ramené avec eux, bien sûr, leurs armes. On était en tenue civile, mais on avait des fusils. Mouloud Larech, né en 1934. Moi, j'étais chef de groupe. Dans mon groupe, seulement trois hommes portaient des armes. Parfois, quand on trouvait une arme chez les villageois, on la prenait. Parfois, c'était les gens qui nous en ramenaient. Puis parfois aussi, lors d'opérations, on tuait des militaires. Et on leur prenait leur arme. On détruisait les ponts, on détruisait les routes. De temps en temps, on faisait des guet-apens aux ennemis. On envoyait des gens avec des pelles pour casser les routes, pour retarder l'ennemi. C'était le type d'opération de sabotage que l'on menait. On leur coupait le téléphone, on leur coupait l'électricité, on retardait leur sortie. Quand ils voulaient aller dans les douars, ça commençait à devenir difficile pour eux. Nous marchions de longues distances. Nous avions chacun un bidon d'eau et un peu de nourriture, presque rien, dans la poche, depuis presque une semaine. Je vous jure, mes frères, j'ai beaucoup marché le ventre vide, parce qu'il ne nous restait plus rien à manger. Nous n'avions rien, je vous jure. J'en suis arrivé à manger de l'argile que je faisais passer avec de l'eau pour tenir le coup. Les maquisards, c'est des groupes entre 15 et 20 personnes. Pas plus. Parce que c'est très dangereux d'être nombreux. C'est l'armée française à l'époque, avec les hélicoptères, ils peuvent découvrir facilement le mouvement des maquisards. Donc on bouge moins la journée, beaucoup moins. Par contre, si on doit se déplacer, on le fait la nuit. Quand il y a une patrouille, on peut les attendre sur la route et les attaquer. Le surprendre en quelque sorte. Et ça se passe à une vitesse. Il faut pas trop traîner parce que on n'a pas les moyens de résister longtemps. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive à tuer ou à arrêter des fois ils descendent des camions pour échapper au tir. Et des fois ils laissent les camions et s'éloignent. Et les autres, ils s'arrangent pour récupérer les armes. Après, on se sauve. C'était le technique de la guérilla, c'est-à-dire darbul harb. Tu attaques et tu te sauves. On était kamikazes. Franchement, on n'avait pas peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas. On avait une espèce de dora. Un endroit qui s'appelait l'Uzla. Il y avait des militaires. On nous a dit qu'il y avait sur place des soldats français qui avaient posté des gardes dans une guérite, un peu plus loin, pour veiller à leur sécurité. C'était une région montagneuse, c'était une sorte de poste avancé pour garder les casernes. Et nous avons reçu un renseignement. On nous a dit qu'il y avait 6 militaires qui, tous les jours, en 4x4, apportaient des repas aux gardes, dans les guérites. On a donc passé 4 ou 5 jours à échafauder un plan. Et une fois notre plan au point, on a attaqué le 4x4. On les a tués tous les 6. Ils avaient des Thompson américaines. Les Thompson sont des mitraillettes. Et les militaires français avaient vraiment peur de ces mitraillettes. Quand ils entendaient des tirs de Thompson, ils s'enfuyaient. Ils avaient peur des Thompson américaines et des FM-24 aussi. Des fusils mitrailleurs qui étaient utilisés par l'armée française. Tu le poses sur le trépied et tu t'allonges. Quand on s'en servait, on l'utilisait par groupe et on le surveillait de très près. Parce que le 24 peut abattre tout un bataillon. Quand on mettait la main sur des armes de bonne qualité, on allait directement voir nos responsables. Parce que quand on leur amenait des armes de qualité, les responsables se les partageaient entre eux. C'était par loyauté, naïveté de la part des moudjahidines. C'était lié aussi au respect dû au chef. On était heureux de les donner à nos chefs. C'était un honneur pour nous. Au mois d'août 1956, les principaux chefs du FLN rejoignent en secret un village isolé de Kabylie, dans la vallée de la Soummam. Leur premier congrès débouche sur la création d'un parlement et d'une direction collégiale de 5 membres, le comité de coordination et d'exécution. Par ailleurs, il divise l'Algérie en 6 régions administratives, dites « wilaya ». Il marque enfin la création de la branche armée du FLN, l'Armée de Libération Nationale, l'ALN. Dès lors, les maquisards indépendantistes algériens deviennent de véritables soldats et l'organisation de leur quotidien de combattant se professionnalise. Moi, j'étais affectée à la zone 5. Notre travail, c'était donc de voir un petit peu comment ça se passe là-bas. C'est-à-dire ramener tous les renseignements concernant comment le moral des troupes, le moral de la population, que l'organisation, et etc. Voilà, c'est surtout ça. C'est tout, si tout se passe bien. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on notait. Alors là où ça ne va pas, donc on dénonçait. On s'est présenté au capitaine et il était étonné de voir des gamins. Il disait, c'est des gamins qui sont venus me contrôler. Je dis, on n'est pas venu pour vous contrôler, on est venu pour voir comment que ça se passe, c'est-à-dire comment l'organisation se fait, c'est-à-dire la répartition entre le militaire, le politique, parce qu'il y avait les commissaires politiques, il y avait, bon, lui, il était le capitaine de la zone, et c'était lui donc qui supervisait tout. C'était pour voir si tout se passait bien. Et bon, c'était ça notre travail. Et on notait tout ça. Donc on se déplaçait à ce moment-là. Quelquefois, c'est moi qui me déplaçais toute seule parfois, ou bien avec un guide. Donc je vais voir un petit peu les militaires, et ça va, tout se passe bien, bien nada. Il manquait des armes, il manquait des munitions. Bien sûr, c'est tout à fait normal, mais le moral était très bien. C'est surtout ça. Les grades, il y avait le djondi, il y avait le caporal, il y avait le grade de sergent, sergent-chef, adjudant, aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant et colonel. Nous étions tous disciplinés, il y avait une fraternité d'armes surtout. Il y avait un sentiment très fort, c'est la fraternité d'armes. Il n'y a jamais eu de problème de discipline. Donc on se lève à 4h du matin, une patrouille qui sort pour aller... les endroits stratégiques où l'ennemi a l'habitude de se positionner avant d'entrer dans le noir, et puis les guetteurs sur les points culminants, et là, prêts à réagir à la moindre alerte. Et puis à partir de 10 heures, il n'y a pas d'opération, l'ennemi n'était pas en vue, donc c'est relax. Relax, chacun va qu'à ses occupations. Soit on discute, soit chacun lave son linge, ou bien il est confié à des femmes du village pour laver. Et puis des causeries parfois, causeries d'arrivée du commissaire politique pour réunir les combattants, ou bien l'arrivée d'un chef pour donner les instructions, les orientations, etc. Début d'après-midi, ce sont les armes qui sont démontées et nettoyer, et puis l'instruction. L'instruction qui concerne le maniement des armes, comment démonter une arme, comment la remonter. Et puis après, c'est les chefs d'unité. D'abord, le chef d'unité, ses adjoints qui se réunissent pour préparer un plan d'attaque. Soit d'une embuscade, soit d'un poste militaire. En fin de journée, toujours, à la tombée de la nuit, c'est le souper. C'est le souper. Et puis, c'est le repos. Le sommeil, par terre. On dormait par terre, sur des nattes. À même le sol. Moi, j'ai vraiment, très, très simplement. Ne pas crever de faim, quoi. On prend un café au lait, un peu de galette, un peu de pain, un peu de fruits. Ça s'arrête là. Des fois, on reste 24 heures, voire plus, sans manger. Ouais. Et on n'a pas le choix. Des fois, on reste 10 jours sans se doucher. Et puis, pour soin de douche, il faut être à proximité d'une source. Il faut surveiller, pour se déshabiller et se doucher, c'est quand même dangereux. Ça prend du temps. C'est difficile, c'est comme ça. Ma poitrine, j'avais dit des œufs au plat, hein. Et donc, j'étais habillée, donc les cheveux coupés très très très courts. Donc, je passais beaucoup plus pour un garçon que pour une fille. Et lui, surtout, ne dit pas. Alors, je dormais avec eux. Bon, bien sûr, moi, j'étais contre le mur. Il y avait la nuit, comme ça, dans les baraques. Il y avait donc le capitaine à côté de moi et le reste des moujahidines. J'étais un homme. Mais tu as déjà une voix de fille. Voilà, ma voix n'a pas mué. C'est pas de ma faute. C'est-à-dire, je me comportais beaucoup plus en combattant qu'une fille de la ville, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, je jouais le rôle d'un homme. On marchait beaucoup la nuit et des fois dans certains endroits qui sont très durs, on envoie des éclaireurs pour que le groupe continue la route. Et là, on mangeait chez des gens qui habitaient les montagnes. On leur payait la nourriture, on leur donne, voilà, vous allez nous acheter un mouton ou manger un couscous pour 60 personnes. La population, elle était acquise pour la révolution. Elle était acquise, ils ont aidé, ils sont sacrifiés, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, leurs enfants, leurs biens et tout ça, pour aider les moudjahidines de la révolution. Ils nous emmenaient des renseignements sur le colonialisme, sur les activités du colonialisme. Le peuple algérien, il a participé à cette révolution, il a aidé et il a souffert. Et il faut rendre un grand hommage aux paysans. Et surtout aux femmes qui ont fait un travail extraordinaire. Elles ont lavé notre linge. Elles nous ont préparé à manger. Et d'ailleurs, moi, quelquefois, quand je me retrouvais seule dans un douar, j'allais avec les femmes. Je m'habillais comme elles, exactement, et je partais avec elles pour aller chercher du bois, pour aller chercher de l'eau, parce que c'était loin. Et on leur parlait. Et je voyais dans quelle, misère, dans quel dénouement elles étaient vraiment, ces paysans-là. C'est horrible. C'était comme si c'était des sœurs pour moi quand elles n'étaient pas très âgées, ou des mamans. Moi, je sais que la guerre, c'est par le peuple et pour le peuple. Et nous étions enfants du peuple. On est les enfants de la nation. On a vécu au sein de notre peuple. C'est le peuple qui surveillait nos arrières, le peuple qui nous nourrissait, qui nous soignait, le peuple qui nous donnait les informations. Isoler les combattants de l'ALN du peuple algérien devient une priorité pour l'armée française. Alors, avec des moyens humains et logistiques considérables, elle confine la population civile dans des camps de regroupement. Puis elle constitue des zones interdites qui sont systématiquement quadrillées et ratissées par des régiments de soldats d'active. La guerre, qui est toujours qualifiée d'opération de maintien de l'ordre et de pacification par la France, devient de plus en plus violente. La France a commencé à devenir plus oppressante à partir de 1957. Oui, 57. À partir de 1957, de nombreux moudjahidines sont morts. Même nous avons durci notre action parce qu'il ne fallait pas laisser l'occasion à la France de nous détruire définitivement. Même nous, on a beaucoup tué. Aussi, nous n'avions que très peu de moyens. On n'avait rien. Nous récupérions de l'argent de chez les colons. Par exemple, si quelqu'un avait une ferme, une terre, des vignes, s'il avait des poires, des pommes, et qu'il avait une bonne récolte, alors on lui envoyait quelqu'un. La France tirait énormément sur nous. Et puis il y avait aussi des tirs depuis des avions. Ils lançaient des fusées éclairantes qui pouvaient même laisser voir une aiguille. Mohamed Kasset, né à Rouiba en 1932. On ne les laissait pas se reposer. On restait jamais au même endroit. On était toujours en mouvement. Ils avaient ramené des Sénégalais pour nous tuer. C'est eux qui nous combattaient. C'était des Africains parce que la France les avait également colonisés. Nous savions qui était chrétien et qui était musulman parmi eux. Les musulmans se mutilaient. On savait alors qu'ils étaient musulmans et les chrétiens avaient la même tête que nous. C'était aussi des peureux. Nous, on les attaquait, on trouvait que celui qui prenait la garde était un Sénégalais, on le frappait et on lui criait. Je me souviens qu'ils ne supportaient pas le froid. Ils avaient souvent le nez qui coulait de froid. Nous, quand on les attrapait, on les prenait et puis on les donnait aux Moudjahidines. C'était eux qui les tuaient. On a commencé à ramener des armes de la Tunisie, du Maroc, de Libye. Et des États nous aidaient directement aussi. Plusieurs pays ont commencé à nous en envoyer des armes. Même la Russie nous en envoyait. Et moi, j'ai échangé mon fusil de chasse contre une Beretta russe, une vraie mitraillette. Je suis allé en Tunisie pour ramener des armes. Lorsque nous sommes partis, nous étions sans armes. Nous n'avions rien. On devait se débrouiller. On avait des gens pour nous protéger. Il y avait la ligne châle. On coupait les barbelés. On avait des grandes cisailles pour couper les fils de fer. Et on traversait. Mais les Français, par la suite, les électrifiaient. Du coup, quand on coupait les barbelés, ils recevaient des signaux et ils lançaient des obus sur nous. De nombreux moudjahidines sont morts à cause de ça. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a changé de politique. On a décidé de ne plus couper les barbelés. On a enlevé les cisailles. On est passé à la pelle et à la pioche. On creusait sous les fils. On faisait passer deux sections sous les fils. On ne coupait plus les barbelés. Et la France ne découvrait plus qu'on passait. On passait par la montagne de Beni Salah. C'est au niveau des frontières. Il y avait des camions du Front de Libération. Il y avait un groupe qui nous attendait. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Simadjoub. Simadjoub, c'est lui qui était chargé des entrées et des sorties. C'est lui qui nous donnait des armes. On trouvait tout chez lui. Il nous montrait l'endroit où l'armée devait camper. C'est lui qui fournissait à manger et à boire aux hommes, depuis leur arrivée jusqu'à leur départ. Ils achetaient de partout, de la Tchécoslovaquie, de l'Irak, de tous les pays possibles. C'était du tramendo, tout simplement. À ce moment-là, l'Algérie se procurait et achetait les armes par Trabendo. Elle n'en achetait pas d'un seul pays, mais de plusieurs, comme l'Égypte ou autre. Chaque wilaya recevait son quota d'armes et de munitions, ainsi que les vêtements. Durant cette période, si tu tirais une cartouche inutilement, on te tuait. C'est interdit d'utiliser une cartouche pour rien. Interdit, formellement. Si tu dois tuer, on te donne 150 cartouches. Si tu dois tirer sur 10 militaires, tu dois utiliser 10 cartouches et tu dois rendre des comptes. Il faut que ta balle atteigne la cible, sinon tu ne tires pas. Pas le droit de tirer. Tu dois avoir une balle dans le canon. Tu dois garder la sécurité et quand tu dors, tu dois dormir avec. On risque de mourir tous les jours. C'est horrible. L'armée, des fois, qui bombarde... aveuglément, des fois ils tirent sur tout ce qui bouge. Des fois les avions ils passent devant un village, ils voient des gens qui se déplacent, etc. Ils bombardent, ils tuent. On se cachait dans les trous. On choisissait toujours les endroits où il y a la forêt dense pour ne pas être visible. Parce que pratiquement, H-24, il y a des hélicoptères et des... Comment on les appelle? Des petits avions, là, qui faisaient la... J'ai oublié le nom. Ils restent pratiquement 24 heures à tourner, à surveiller s'il y a quelque chose. Les mouchards, je crois. Mouchards, voilà. Ils tournent, ils font que tourner. Ils surveillent. Voilà. S'ils se doutent de quelque chose, un coup de fil, hop. Soit l'armée, soit l'aviation qui arrive et bombarde. On tire, on ne sait pas le reste. Est-ce qu'on l'a tué ou pas, je ne sais rien. Enfin, pas à ma connaissance, je ne me rappelle jamais que j'ai tué quelqu'un. Mais j'ai tiré. Là, nous étions toujours en état d'alerte, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, parce que il y a eu l'innovation des opérations héliportées, Alors vous pouvez être dans la forêt, dans un endroit isolé où aucun champ, et puis une vingtaine d'hélicoptères qui arrivent et que vous jettent deux ou trois bataillons de soldats parmi vous, et là vous engagez plusieurs fois j'y échappe à la mort. Oui, dans des embuscades, dans des accrochages. C'est lorsque nous avons été encerclés dans un plafond, le 12 novembre 1961, près de Zarankran, nous avons été dénoncés. Et quand les parachutistes sont arrivés, nous étions dans la grenier de la maison Julien, d'un Français. Et là, un miracle. Ils sont montés. J'ai tiré. J'étais le seul à avoir une mitraillette. Nous étions trois. Et donc, j'ai tiré. Et le capitaine qui est monté pour nous capturer a trouvé la mort là-bas. Et deux soldats blessés. Et nous sommes sortis. Parce que j'ai donné ordre à mes compagnons de sortir. Il ne fallait pas se faire tuer comme des rats. Je grillais comme des rats. Nous sommes sortis. Et puis pas de soldats. Rien autour de la maison. Et puis subitement, j'entends le bruit de deux avions. J'ai levé les yeux au ciel. Et j'ai vu deux avions qui piquaient sur la maison. C'est à ce moment-là que... C'est une espace de quelques secondes. Nous sommes sortis, les avions sont arrivés, la maison est partie en éclats. C'est à ce moment-là que les soldats nous ont commencé à tirer et nous attendaient. Et nous ont reculé dans le village. Et là, dans le village, il y avait un combat de rue dans le village. Et une femme, comme si elle était tombée du ciel, elle m'a dit, je vous emmène chez moi, je vais vous cacher, nous étions trois. Et puis elle m'a dit, hier j'ai ramené des branches d'olivier des champs, donc je vais, si vous acceptez, je vais vous mettre dans ces branches d'olivier, je vais vous cacher, etc. Une femme courageuse, très courageuse, Madame Aberkan Keltouma, et puis son mari, en entrant à la maison, son mari, il demande à son mari, voilà, c'est Moudjahidine. Bon, ils sont accrochés dans le village. Ils n'ont pas d'espoir de s'en échapper. Est-ce que tu acceptes qu'on les cache chez nous? Elle lui dit oui. Alors, il s'adresse à nous. Soyez les bienvenus. Nos vies ne sont pas plus précieuses que les vôtres. Nous allons vivre ensemble ou mourir ensemble. Et on s'en était sortis. On n'avait pas où se reposer. De toute façon, ce n'était pas le moment de se reposer. Pourquoi la France ne nous laisserait nous reposer? C'est elle qui paye ou c'est toi, hein? La France n'arrivait pas à nous gérer au maquis. Les soldats débarquaient, mais ils n'arrivaient pas à nous attraper. Après, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont commencé à ramener des chiens. Ils ont ramené 2337 chiens. Des chiens de ceux qui détestaient le peuple algérien. Ils les ramenaient des prisons. Ils mangeaient de la chair humaine. Ils les ramenaient pour nous chercher. Et quand ils nous cherchaient dans les montagnes, quand on sortait des douars, ils venaient nous chercher à l'odeur. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire alors? Eh bien, le maquisard qui fermait la marche, on lui donnait du poivre noir moulu, et on lui disait de tout jeter sur eux. Alors les chiens ne pouvaient plus sentir nos odeurs. Comme ça, même au maquis, ils ne pouvaient plus nous atteindre ni nous sentir. Ils se perdaient et se mettaient à aboyer. Quand on a commencé à quitter la zone, on était vers la zone des hauts plateaux. Donc c'est vraiment la rocaille. Et donc, quel était le système de défense? Ils faisaient des marbettes, on appelle ça le marba. Comment que ça se passait? C'est-à-dire c'est un trou droit, comme ça, où une personne peut passer. Et à l'intérieur, ensuite, une espèce d'espace, comme ça, où on pouvait juste s'asseoir. Hein. Donc, quand on est arrivé à cette douar, juste, on a commencé à nous reposer. L'éclaireur, il a dit, il y a un ratissage, il y a des militaires qui arrivent. Donc, celui qui était le responsable, qui était de cette région-là, responsable civil, hein, il nous a amené le marba. Il y avait moi, il y avait donc Abdelaziz, il y avait Sissadak, il y avait Sisliman, Zlul Mlaika, et les deux, je connais pas leur nom. Donc, on est rentré. C'était tout juste. Alors, il a mis une plaque sur l'entrée, là, et il a mis des herbes, et il a mis chemin, et c'était le... Comment on appelle chemin en français ? Du tabac à chiquer. Tabac à chiquer, bravo. Donc, parce que les chiens ne sentent pas. À un moment donné, on ne pouvait plus respirer. Il y en a un qui a allumé, il a allumé, et c'est éteinte. Donc, il n'y avait plus d'oxygène. On a dit, on ne va pas mourir asphyxié, il faudrait qu'on se défende. Il faut absolument, même s'il faut, il faut tuer deux ou trois, n'importe. Mais on a chargé nos armes, on a commencé. C'est pas facile d'enlever la dalle de bas en haut vers le haut. C'est très... Donc, ils étaient là, tous les deux, en train de pousser. Ça a été entrouverte. Chacun tournait, essayait de respirer, de reprendre l'air. Et ensuite, on a pu sortir et il n'y avait rien. C'était le silence total. Ils nous ont jeté du napalm. Ce napalm s'enflamme, même la neige s'enflamme. C'était vraiment un gaz dangereux. Le soldat qui a été brûlé, si on le touche, ben on est brûlé aussi. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? Il fallait prendre de la terre et la lui jeter dessus, ou prendre un chiffon et le couvrir. Et surtout, éviter de se faire brûler aussi, parce que les flammes peuvent très vite te toucher. C'est pour te dire ce que la France a fait. À chaque fois que l'armée française voit un danger pour les soldats lors de leur progression, on jette des bombes au napalm. Alors, hypocrisie, général Salon a diffusé une note aux unités de l'armée française pour dire qu'il ne faut jamais utiliser le napalm, mais dire des bidons spéciaux, au lieu de napalm. Voilà, parce que le napalm est une arme interdite par les conventions internationales, mais il a été utilisé du début jusqu'à la fin, sans aucune restriction. Alors là, c'est sur les villages, même sur les villages. En dehors des lieux de combat, on élargit également sur les villages qui touchent les enfants, les vieux, les civils, etc. On largue des bidons de napalm pour les brûler afin de permettre aux soldats d'avancer vers les positions des moudjahidines. Ouais. En 1959, le général Chal, qui est le nouveau commandant en chef de l'armée française en Algérie, lance un vaste plan militaire qui vise à écraser méthodiquement l'ALN d'ouest en est. Dans un même temps, des barrages électrifiés et minés sont construits aux frontières tunisiennes et marocaines. Les combattants algériens sont non seulement coupés de la population civile, mais aussi de leurs dirigeants qui mènent la lutte pour l'indépendance depuis l'extérieur du pays. Chal, il a prévu un moyen de réduire un petit peu le maquis, de faiblir plutôt. C'est un système qui a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de dégâts. Ils ont pratiquement brûlé des maisons, vidé des villages entiers de leurs habitants. Et ils ont créé des camps, ramassé la population dans des champs, comme ça. Donc ces zones-là, ils sont complètement interdites. Les terres, ils sont abandonnées, les maisons brûlées, etc. C'est comme ça que ça crée une certaine misère, ça gêne. Parce que, premièrement, on a moins de contact avec les habitants, et moins de moyens, parce qu'on a besoin de manger, boire, parfois de dormir. C'est des fois même malade. Ben, des fois, on a besoin d'un médecin, on a besoin d'un infirmier, on a besoin de ceci. Quand on est loin, ça devient plus compliqué. C'est horrible. Voilà, c'est pour ça que le plan Chal, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça fait des dégâts énormes. Il y a eu déjà pas mal de morts. On était sur le plan de crever de faim. Et croyez-moi, à un moment donné, on était obligé pratiquement de ramasser des herbes, de faire cuire certaines herbes, pour échapper quand même à la famine et à la mort. Et ça a duré quand même si longtemps. C'était très, très, très dur. Quand ils ont mis la pression sur le peuple, qu'on ne pouvait plus manger chez eux et qu'ils ne pouvaient plus bouger eux aussi, on a dû aller du côté des frontières est. Et comment atteindre ces frontières est? On restait 3, 4, 5 jours sans manger. On était pieds nus, on n'avait rien, et beaucoup de moudjahidines mouraient. On marchait, puis on tombait sur un moudjahid mort. On avait faim, on souffrait. Les loups s'étaient habitués à manger la viande. Une nuit, on n'avait pas fait attention, jusqu'à ce qu'on ait vu un soldat mordu à la jambe par un loup. On a couru pour sauver le soldat. Ce qu'on faisait, on mangeait ce qu'on avait, et puis ceux qui avaient des patogas ne les enlevaient pas pendant 2 mois. Sauf peut-être pour y mettre une sorte d'herbe à l'intérieur, pour faire cicatriser nos blessures. On est arrivé au point où on se faisait manger par les vers. Comme je vous dis, des vers. Alors on se soignait avec des fruits, avec des pêches. On les broyait et on les posait sur les plaies. Les vers mouraient directement. Les pêches ne pourrissent pas, elles ne créent pas de vers. Tous les autres fruits, tels que les abricots par exemple, pourrissaient. Mais les pêches, non. C'est comme ça qu'on se soignait. C'était vraiment un rouleau compresseur contre les maquis. Et mon père, son jumel, c'est 40 000 hommes des unités spéciales qui sont jetés dans les maquis, doigt par doigt, c'est pas disséminé. C'est des opérations, un rouleau compresseur qui se déplace. On vous met 40 000 soldats dans un doigt, alors là, c'est une catastrophe. Pour y échapper, il faut avoir beaucoup de chance et beaucoup de morts parmi les combattants. L'ennemi s'est renforcé à travers toutes les régions, et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de destruction de refuges, d'agents de liaison. Les liaisons entre les différentes régions et zones étaient très réduites, ce qui fait que il était très difficile de circuler sans risquer de perdre sa vie. Moi, on m'appelait Mohamed le médecin, parce que j'étais dans l'armée française et je suis rentré dans les hôpitaux français. J'observais comment ils soignaient. C'était avant la Révolution. Ici, on n'avait pas de médicaments, on n'avait pas de médecin non plus. Donc comment faire? Je leur ai dit, ramenez-moi de l'eau oxygénée, des pansements et de l'éosine. Quand une balle atteint la peau, elle devient noire, comme ça. Alors ce que je fais, je dis au soldat, tenez-le. Je prends un bâton que je lime bien et je le place dans la blessure. Mais avant, je mets de l'eau oxygénée et un bandeau. Et je l'enroule jusqu'à ce que je le saigne bien et que le sang redevienne rouge. Une fois saigné, c'est-à-dire que pour moi c'est réglé, je lui mets de l'éosine et un pansement. Et du coup, il se rétablit au bout de 8 jours et il peut à nouveau marcher. C'est Tahar Zbiri qui a décidé de m'appeler Mohamed le médecin. Et je suis resté Mohamed le médecin. Et oui, c'est comme ça que se déroulait la révolution et comment elle changeait les gens. La révolution n'est pas chose simple. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la révolution était dure, la révolution ne pardonne pas. Pendant la guerre, tu dois marcher droit. Un jour, du côté de Madid, dans une montagne, cette montagne comptait une grotte de quelques 3 ou 4 kilomètres de long. C'était une sorte de casemate sous terre. Les moujahidines qui étaient blessés, on les y emmenait, et on leur couvrait les yeux et la tête pour qu'ils ne sachent pas où ils sont, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sous terre. Il y avait de l'électricité, de l'eau, des médicaments et aussi des pansements. Les soldats étaient soignés, ils se rétablissaient, puis on leur remettait le chiffon sur la tête et on les libérait en montagne pour qu'ils ne sachent ni par où ils étaient entrés, ni d'où ils sortaient. Tout ça pour éviter le risque qu'ils soient capturés, qu'ils dévoilent ces lieux. En cette toute fin des années 50, l'armée française a le sentiment d'avoir gagné la guerre sur le plan militaire. les troupes de l'ALN en Algérie sont décimées, infiltrées, en déroute. Le nombre des combattants indépendantistes encore en état de se battre est devenu inférieur au nombre des supplétifs algériens ralliés à la France. Les défections et les arrestations se multiplient. Quand j'étais arrêté, j'ai été torturé par les paras pendant quelques jours. La première des choses, ça commence par l'électricité. Là, vous recevez des chocs, des chocs, des chocs, des chocs, et des fois le bassin, de l'eau. De l'eau. Donc, diverses tortures, tortures morales, des insultes. Et on est dans une cage qui servait pour mettre les cochons. Là, à peu près, j'avais 20 ans à peu près. J'étais arrêté à Sétif, moi. Ils m'ont amené directement en prison, enfin, la caserne. Il y avait une prison dans la caserne. Là, on vous garde dans une cellule, puis l'interrogatoire dure des fois des semaines. Déjà, on vous déshabille complètement. Non ? On met une barre, non ? Comme ça. Voilà. Tout nu. Ils me l'ont fait à moi, je pense qu'ils l'ont fait à d'autres. On te prend comme ça, on te pose dans un grand, grand pneu. Camion, je sais pas quoi. On pose là-dedans. On est coincé, menotté. Puis on te met un tuyau d'eau dans la bouche. Il lâche l'eau. L'étouffement total. On vous laisse respirer un moment, après il pose des questions. Il faut répondre. Il faut donner les noms, raconter ce qu'on a fait, etc. Et ça dure. Moi, ça a duré deux semaines. L'horreur, l'horreur. Rien à manger, rien à boire. Juste un petit peu, un verre d'eau comme ça, à moitié d'une baguette. Et tout, puis on dort dans des cellules sous terre. Sur la paille. Il n'y a pas de ni lit, ni matelas, ni rien du tout. Il voulait avoir des noms. La stratégie de l'ALN, on disait, on ne peut pas résister de toute façon. Il vaut mieux donner des noms. Soit on leur donne des noms de personnes qui sont au maquis, qui sont partis, ou le nom de personnes mortes. On s'en fout. Mais tandis que l'ALN est en état de détresse en Algérie, le FLN va de victoire en victoire sur le terrain diplomatique, car sa lutte pour l'indépendance remporte un soutien croissant auprès des gouvernements étrangers et de l'opinion publique internationale. La France est de plus en plus isolée. De Gaulle en est conscient et il élabore un projet d'autodétermination des populations algériennes. Le vent est en train de tourner. Le gouvernement provisoire, c'était à l'extérieur, on le savait. On en avait entendu parler, mais on ne savait pas précisément. Nous, on était à l'intérieur, eux, à l'étranger, on ne savait pas. Nous, comme je te l'ai dit, en tant que soldats, nous ne savions rien. On a entendu dire qu'il y avait un gouvernement provisoire dirigé par Ferhat Abbas. Après Ferhat Abbas, ça a été Ben Youssef Ben Khedda. C'est ce qu'on savait, mais ce qu'il faisait, nous l'ignorions. On plaisantait, on se disait, à l'indépendance, qu'est-ce que tu feras, toi ? Qu'est-ce qu'on fera à l'indépendance ? Et tout ça, c'est des histoires de jeunes. Nous étions des gamins. Il y en avait un qui disait, à l'indépendance, je serai garde champêtre. Un autre disait, moi, je deviendrai maire. Un autre encore wali. On plaisantait. Après 1960, il y a eu une accalmie. Même les Français ne faisaient plus d'opérations parce qu'ils avaient entamé les négociations comme les accords d'Évian. La France opprimait moins le peuple. Elle relâchait aussi un peu le maquis et les moudjahidines. Il faut dire aussi que les moudjahidines étaient plus forts. Ils avaient acquis des armes. D'ailleurs, les militaires français, quand ils sortaient, ils n'allaient plus au maquis parce que les montagnes étaient devenues des zones interdites pour eux. S'ils montaient, on les neutralisait. On avait plus de force, on avait des armes. On nous les avait envoyées de l'étranger. Tout le monde avait des armes. Quand on savait qu'on allait réussir une opération à 100%, on fonçait et on leur foutait une raclée. Mais si on voyait qu'on allait perdre des hommes ou des moyens dans une opération, alors on n'y allait pas. On s'apprêtait à traverser la route nationale, mais c'est très dangereux parce que c'est du plat. Il fallait marcher pendant 2 heures pour arriver à la forêt de Khantija. Et puis, juste au moment où nous allons traverser la route nationale, nous avons trouvé un aftrak avec sa mitrailleuse dirigée vers nous. Bon, j'ai dit à mes compagnons, c'est la fin. Aucun espoir, c'est fini. Nous allons tomber l'un après l'autre, mais il faut que chacun de nous arrive à tuer un soldat avant de tomber. Et puis il y a un compagnon qui me dit, regarde, le soldat est en train de nous faire un signe, c'est lui qui tenait la mitrailleuse. Alors, je regarde vers son côté, il nous fait signe de passer. Et nous sommes passés à côté de cet engin de la mort. Moi, je m'attendais à un piège. Mais je me suis dit, au point où nous en sommes, nous n'avons rien à perdre. Eh bien, on a traversé la route, on s'est mis à courir, à perdre le souffle. Et ce n'est qu'avant l'arrivée, notre arrivée en forêt, qu'il a tiré quelques coups pour se dédouaner vis-à-vis de ses chefs. Parce que si son chef arrivait à déceler sa complicité, il était principe du tribunal militaire. Et c'est comme ça que j'ai échappé à la mort, entre autres. Le jour où il y a eu le cessez-le-feu, moi, j'étais en permission avec un copain. Il est encore en vie. Bobnider, notre chef, nous a donné la permission d'aller voir notre famille. Moi, depuis que j'étais monté au maquis, je n'avais plus vu mon père ni ma mère. On a appris le soir du 19 mars le cessez-le-feu. Le matin déjà, il y avait eu un ordre interdisant à tout le monde de sortir. Après, on nous a envoyé un message à tous. Ils nous ont dit, vous rentrez tout de suite. On est rentré. Tout était figé. L'armée tenait sa position. Personne ne bougeait. Ça, c'était le 19 mars. On est resté comme ça jusqu'au jour de l'indépendance. La veille du cessez-le-feu, le 18 mars au soir, nous étions tombés dans une embuscade près de Tazmalt. Et puis, nous avons entendu les claquements des culasses autour de nous et nous avons fait marche arrière. Les soldats n'ont pas tiré et nous non plus. Je me suis dit, c'était bête de se faire tuer la veille du cessez-le-feu. Parce qu'on savait, on a annoncé la fin de la guerre. Et donc on savait que le lendemain 19, c'était l'arrêt de la guerre à 12 heures. Combattants de l'Aïe, aujourd'hui, le cessez-le-feu n'est pas proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la vie continue, plus ample, plus complexe, plus subtile que jamais. Algériens, l'exécutif provisoire que j'ai l'honneur et la fierté de présider, malgré les derniers soubresauts, qu'il est résolument décidé à vaincre avec votre précieux concours, sera celui de la paix des armes, des cœurs, des esprits et aussi de la réconciliation fraternelle de tous les Algériens. C'est une renaissance pour nous. C'est une journée à la fois pleine de bonheur, mais de tristesse également, parce que nous avons pensé à ceux que nous avons laissés derrière nous, qui ont été dévorés par les chacals, parce que nombreux sont ceux qui sont tombés au champ de l'eau, qui n'ont pas connu de sépulture. Donc nous avons pensé à eux, et puis nous avons appréhendé l'arrivée de leur famille, de leurs enfants, pour nous poser des questions, etc. Vous savez, dans les maquis, lorsqu'on était dans les refuges, qu'est-ce qu'on disait ? Que les survivants témoignent sur la guerre. Il ne faut pas qu'ils se taisent. Que les gens sachent comment nous avons mené cette guerre, comment nous avons affronté l'armée coloniale. Il faut rendre hommage à ces héros qui sont tombés, que les survivants transmettent le message des martyrs. On ne peut pas effacer ça de la mémoire. C'est impossible. Des fois, c'est difficile d'y croire, certains événements. C'est incroyable. Quand on raconte, même mes enfants, les yeux ouverts, je dis, c'est pas vrai. Je lui dis, oui, c'est vrai, c'est comme ça. On l'a vécu. Je raconte ça parce que je l'ai vécu. Et éventuellement, la génération actuelle, elle ignore beaucoup de choses du passé, que ce soit les Algériens ou les Français. Des fois, quand je le raconte, ils me disent, ils croient pas. Je dis, pourtant, c'est vrai, on l'a vécu, c'est comme ça. Et les Français de l'époque, il y en a beaucoup qui ignoraient ça, entre autres mes amis que j'ai là. Ils ne savaient pas qu'il y avait tout ça, et pourtant, c'est la vérité. J'ai accepté de témoigner pour vous raconter comment la révolution s'est déroulée pour le peuple algérien. Car cette révolution ne s'est pas faite uniquement par les Moudjahidines. La révolution s'est faite par le peuple algérien. Et depuis 1832, le peuple algérien a beaucoup souffert de la colonisation française. Dans tous les cas, la victoire du peuple algérien à partir de 1954, c'était l'ouverture vers l'indépendance de l'Algérie, sans aucun retour en arrière. Aujourd'hui, cette histoire, nous devons la valoriser et lui donner sa véritable importance. On doit également aller vers l'histoire antérieure. La révolution était une sorte de lien avec le peuple. On était issus du peuple et c'est lui qui nous encourageait. Ce n'est qu'en 1999 que la France a reconnu officiellement qu'il y a bien eu une guerre en Algérie. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été possible d'en établir un bilan exact des pertes humaines. Du côté de l'armée et des civils français, on estime à environ 30 000 le nombre de morts. Et il s'élèverait à environ 400 000 du côté algérien. Sans oublier les milliers de blessés, handicapés, traumatisés, et tous ceux que la guerre a continué de hanter depuis, des deux côtés de la Méditerranée. Plus qu'un soulèvement, une vraie guerre de libération. Un documentaire de Raphaël Lewandowski, réalisé par Rafik Zenin. Mixage, Olivier Dupré. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier.